12-25, observation, suivre, présent de l'indicatif. Comparer. Suivre, je suis. Être, je suis. Tu suis, tu es. Il suit, il est. Nous suivons, nous sommes. Vous suivez, vous êtes. Ils suivent, ils sont. Notez que du point de vue de la prononciation, les trois personnes du singulier de suivre sont identiques. Les trois personnes du pluriel de suivre ont une consonne « v » qui se trouve dans l'infinitif, mais qui est absente des trois personnes du singulier. Je suis, tu suis, il suit. Par pure coïncidence, les premières personnes du singulier du présent de l'indicatif de « suivre » et de « être » sont identiques. Je suis,